allez-vous? Dieu n'en a eu. Elle veut quoi répondre ce matin? Si vous n'avez pas peur de nous, allons suivez-nous. Laissons passer la tranquille. J'ai notre prochain invité. Et je m'en vais dans la forêt pour porter ma pantalon. Trompette, arrêtez-vous. Ben quoi, je trompe fête, j'aurais voulu vous en acheter de votre lait. Attendez-vous ce que vous prenez, donnez-nous la main. Alors la petite trompette, déposant son poteau lait, va se mêler à la fête, et chacun de lui chanter. Trompette, m'aimez-vous, trompette, m'aimez-vous, je suis le plus costaud des trois, faites votre choix. Trompette, m'aimez-vous? Avez-vous un petit quelque chose pour moi? C'est moi le plus riche des trois, le point faire du choix. Mais là n'est pas le problème, moi de tout ça, je m'en fous. Car mon trompette est que j'aime, il est bien plus beau que nous. Trompette, embrassez-nous. Trompette, embrassez-nous. Et son tambour et mes trompettes, il avançait à grands pas. Trompette, qu'avez-vous? Mais alors quoi? Mais quoi qu'il y a donc? Voilà quelqu'un qui va par là. Mais c'est Gargamel, c'est Gargamel! Trompette, où courez-vous? Ben vrai ça, mais où c'est quelque temps comme ça? Je cherche après mon pote. Je veux croquer la trompette de ces trompes mignons. Et bien maintenant, elle est finie la fête.